Et Inch'Allah, je continue ce sujet dans la prochaine fois. Subhanakallahum bihamdik. Shadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.